RQC. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rogers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Amis du rock, bonjour. Après un week-end bien arrosé au cours duquel il a plu sans modération, heureusement qu'RQC est là pour nous apporter, pour vous apporter un petit rayon de soleil musical. Rien de tel en effet qu'un peu de musique pour se réchauffer le cœur et garder le moral. Merci de nous accueillir chez vous comme chaque lundi matin pour un nouveau périple, un nouveau voyage musical à travers les époques, à travers les genres. Après un café crème tout en détente et en décontraction, je vous tiendrai

All Along the Watchtower, inusable titre de Jimi Hendrix. Et au programme aujourd'hui, après s'être à nouveau interrogé et avoir fouiné pour voir ce qui s'est déroulé le 13 novembre, les années passées au niveau musical s'entend, nous allons poursuivre notre parcours découverte de l'âge d'or du rock progressif. Et aujourd'hui, c'est pas moins que Klaus Schulze qui nous emmènera planer dans les nuages avec un morceau tout à fait sensationnel qui dure plus d'une demi-heure, imaginez. Ensuite, nous poursuivrons aussi notre parcours découverte de l'éveil du rock en France avec aujourd'hui les Chaussettes Noires et un certain Eddie Mitchell. Et pour terminer, l'album du jour sera un peu spécial. Je vous offrirai de pouvoir réentendre un album de 1996 de la formation Hell's Beautiful Freak, qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années 90. Mais pour débuter, voyons tout d'abord ce qui s'est déroulé le 13 novembre 1968. C'est le jour où le fondateur et guitariste des Stones, Brian Jones, a acheté une propriété appelé le Cotchford Farm dans le Sussex. Et imaginez, ça ne s'invente pas que le précédent propriétaire des lieux était Alexander Milne, qui n'est autre que l'auteur de Winnie l'ourson. Et voici les Rolling Stones, Street Fighting Man. Et j'ai oublié de vous préciser en introduction qu'aujourd'hui, en ce lundi 13 novembre, nous fêtions les Brices. Alors bonjour à tous les Brices qui nous écoutent. Bonjour aussi à tous nos amis français, et ils sont nombreux à être à suivre attentivement les ondes d'RQCL. Voilà, et le 13 novembre 1976, c'est le magazine Melody Maker qui annonçait les dates de la plus grande tournée punk qui devait réunir pas moins les Sex Pistols, les Ramones, bien connus, mais également des groupes comme les Vibrators et Chris Spedding. 14 dates au total au programme, et la première a eu lieu 15 jours plus tard au City Hall de Newcastle. Holiday, none of people's misery. la radio à gogo. Après les Ramones et les Sex Pistols, voici les Vibrators, Baby, Baby. Et voici pour terminer cette séquence punk Chris Spedding Video Live. I'm gonna send myself an invitation. Say hello to the video live. Myself on the action replay. Hope I get there right on time. Video life. Repeat. Right here. take evasive action. Got to do it pretty soon. For fear of aerial warfare, right here in your room. Switch on, start negotiations. Switch off, baby, baby, I love you so. J'espère que tous les fans de punk auront apprécié ces quatre titres en souvenir de cette fameuse tournée de 1976 qui réunissait les Sex Pistols, que nous avons écouté avec Holiday in the Sun, extrait de l'album Nevermind the Bollocks de 1977, les Ramones et leur guerre éclair Blitzkrieg Bop, un titre qui est d'ailleurs utilisé dans une campagne de publicité. On entend beaucoup ce titre résonner sur les ondes commerciales. Donc, c'était donc les Ramones en 1976, extrait de leur album Ramones, et ensuite les Vibrators, Baby Baby, tiré de leur album de 1977, Pure Mania, et enfin Chris Pedding, Video Live, extrait de son album de 1978, Guitar Graffiti. Nous restons toujours le 13 novembre 1976, nous retrouvons pour l'occasion Led Zepp, qui à l'époque est encore numéro 1 des albums. Et oui, je dis encore parce que ça ne fait que la 7e fois. Mais par contre, c'est la première avec un album live. Cet album s'intitule « The Song Remains the Same ». Et nous en écoutons deux extraits, « Heartbreaker » et « Wall of Love ». Attention, ça va déchirer grave. I'm not afraid to die. I love you.

1976, The Song Remains the Same, l'album live de Led Zeppelin pour le concert du jour. Nous avons écouté successivement Heartbreaker and Wall of Love. Il n'y a pas à dire, à l'époque, Led Zeppelin, c'était quelque chose. Ils étaient au meilleur de leur forme. On va maintenant totalement changer de registre musical et partir le 13 novembre 1982 avec les Australiens de Men at Work qui commencent alors une longue période qui durera 15 semaines. 15 semaines à être en tête des albums aux États-Unis avec le particulièrement bien réussi Business as Usual. Et l'album se vendra à plus de 5 millions d'exemplaires rien qu'en Amérique du Nord. On poursuivra ensuite pour partir en 1999, le 13 novembre 1999, et Cliff Richard qui signait un contrat avec une compagnie sur Internet qui s'appelle RemoteMusic.com. Il sera à l'époque la première superstar à oser signer avec une compagnie en ligne. Mais pour débuter, Men at Work, Who Can It Be Now? Qui ça peut bien être? ?10h-10 sur les ondes RQC. Don't you invade my home. In the past. De la pop en stock. You die. Vous aurez reconnu Cliff Richards en 1979, We Don't Talk Anymore. Et juste avant, Men at Work, Who Can It Be Now en 1982, extrait de l'album Business as Usual. Il est exactement 10h moins 1 minute. Nous clôturons donc la première heure d'émission. Et nous poursuivons maintenant avec un artiste qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il s'agit de Timmy Thomas. Timmy Thomas est le créateur d'un morceau qui sera repris en 1984 par Sade dans une version des plus langoureuses que nous allons également écouter. Et ce tube imparable, c'était Why Can't We Live Together? Voici pour débuter la version originale et ensuite la reprise de Sade. Thank you. voici maintenant la version de Sade de 1984, extrait de l'album Diamond Life. Why can't we live together? J'espère que tout va toujours très bien pour vous. Thank you. Et après ce titre empreint de sensualité, Why Can We Live Together, on poursuit avec Hugh Lewis, The Power of Love. Lewis and the News, The Power of Love, pour célébrer aujourd'hui l'anniversaire d'un de ses membres, Bill Gibson, qui prend en effet une année de plus aujourd'hui. Il était tout simplement le batteur de cette sympathique formation. Et c'est aussi le cas pour un autre batteur, c'est aussi son anniversaire, Andrew Rankin, le batteur de la formation londonienne, les Pogs. Les Pogs, c'est une formation folk rock, un peu punk celtique, que nous retrouvons maintenant dans un titre qui sent bon la fumée, l'alcool et le sexe. Dirty Old Town. Thank you. time that my love by the gasworks wall dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Dirty old town, cette sale vieille ville. Et c'est en référence à une ville anglaise où Ewan McCall a été élevé. Lorsqu'il écrivit cette chanson, les autorités locales d'ailleurs furent d'abord mécontentes que Sadford y soit publiquement surnommé cette sale vieille ville. Et c'est un titre extrait d'un album qui porte bien son nom, c'est Rum, Sodomy and the Lash. Ce titre clôturait pour aujourd'hui notre séquence anniversaire consacrée à ce qui s'est passé sur le plan musical au cours de ces 50-60 dernières années. Nous allons maintenant entamer à 10h20 notre périple musique progressive. Nous avons la semaine dernière commencé à redécouvrir ce qu'on appelle le space rock, le rock planant, qui est un peu à l'origine de toute la musique électronique actuelle. Et aujourd'hui, je vous propose Klaus Schulze et l'envoûtant Time Wind, l'album qui l'a fait connaître, ce musicien allemand. et qui contient une de ses œuvres maîtresses, intitulée Bayreuth's Return, réalisée entièrement avec une pléthore de synthétiseurs analogiques et de séquenceurs. Je vous avertis, nous en avons pour passer 30 minutes, je crois que je ne programmerai jamais un morceau aussi long dans le cadre de cette émission, mais voilà, c'est aujourd'hui Klaus Schulze, Bayreuth's Return, après ce petit message. Où naviguent les ondes libres ? RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Alors on est parti pour un voyage intergalactique d'une demi-heure, Bayreuth's Return, bon voyage à tous, nous allons monter dans les nuages. We'll be right back. Après cette demi-heure tout à fait relaxante et ce superbe titre de Klaus Schulz qu'une auditrice Françoise, pour ne pas la citer, a beaucoup apprécié, et merci pour son message. Nous allons maintenant complètement changer d'ambiance avec notre rubrique Le Rock Made in France. Living in the Past. Du rock made in France. Aujourd'hui consacré aux Chaussettes Noires, un des groupes fondateurs du rock français au tout début des années 60, dont je vais vous raconter maintenant la petite histoire. Inspiré par Gene Vincent, cinq jeunes qui se font alors appeler les cinq rockers, emmenés par un certain Eddie Mitchell, effectuent en 1960 leur premier pas au Golf Drouot, après avoir signé un contrat chez Eddie Barclay, qui les rebaptisera de suite les Chaussettes Noires. Leurs groupies à l'époque ne sont pas très nombreux, ils ne se comptent que par milliers, mais ils sont terriblement fascinés par ce groupe qui popularise si bien le rock'n'roll en France. Et fort d'un premier succès avec Bebop Lula, le groupe se produira ensuite au Palais des Congrès. Leur ascension sera fulgurante. La France, qui avait déjà à l'époque découvert un chanteur de rock'n'roll en la personne de Johnny Hallyday, avait désormais un groupe. Et en 1961, soit moins d'un an après leur arrivée au sein de la maison de disques Barclay, les Chaussettes Noires enregistraient « Tu parles trop », puisque c'est ainsi, « Je me tais ». Well, bebop-a-lula, baby, bebop-a-lula, toi, ma douce amie, bebop-a-lula, où donc es-tu parti, bebop-a-lula, sans toi je m'ennuie, bebop-a-lula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. On s'est aimé une nuit, te souviens-tu de mille folies, mais ce bonheur c'était trop beau. Il a fini dans un sangle. Bebop-a-lula, baby, bebop-a-lula, où donc es-tu parti, bebop-a-lula, si, je m'en ai, si, je m'en ai. Yeah. Je t'espère le jour et la nuit. Je suis plus tendre qu'un agneau, car j'ai compris et je t'aime trop. Oh, bebop-a-lula, baby, bebop-a-lula, où donc es-tu parti, bebop-a-lula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. Bebop-a-lula, baby, bebop-a-lula, toi, ma douce amie, bebop-a-lula, tu me reviens chérie, bebop-a-lula, et tu me le souris, bebop-a-lula, si, ma baby, si, ma baby, yeah, yeah, ma baby, oh, ma baby, ma baby, yeah, yeah. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Tu fais bla bla bla,

soit bon. C'est un temps car sans toi elle s'ennuie. Ne la délaisse pas, essaie d'être gentil. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, tu pourrais tout au moins lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant, aime-la pour la vie. Va faire un tour à la mairie. Yeah, yeah, yeah, yeah, alors sois bon. Sois bon. Oh, hey, dis sois bon, sois bon. Sois bon. Hey, hey, hey, dis sois bon, sois bon. Sois bon. Hey, hey, dis sois bon, sois bon. Sois bon. Hey, non, le nom, sois bon. Hey, dis sois bon. Et après une tournée avec Jean Nohain, le célèbre présentateur de radio et de télévision de l'époque, les Chaussettes Noires seront de nouveau sur la scène du Palais des Congrès, et ce qui augurera de la sortie de Madame Madame d'après Padame Padame d'Edith Piaf et de Dactylo Rock. De mon cœur. Ah, madame, oh, madame, vous, madame, oh, un peu fille, un peu ciel, un peu fleur. Ah, madame, oh, madame, vous, madame, je vous danse, on vous rêve, on vous prend. Mais d'abord, on vous aime, souvenez-vous-en. Vous êtes votre temps. Les chansons en collier de rengaine, pensez-vous, c'est une autre, c'est toi. Et l'amour a sa vie souveraine. Oh, je vous ferai reine chez moi. Sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des dactylora. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête. Bipapelula, bipapelula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylora, dactylora. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tête. Bibabaloula, dans tous les bureaux de bas en haut, les dactylos tapent go go et leurs patrons leur disent go go. Ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylorats, digi-digi-digi, dactylorats, digi-digi-digi. Pour faire leur bouquet, les directeurs battront la tête. Elle va le bien ça, elle va le bien ça. Dans tous les bureaux de bras, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez des dactylorap, elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant à du tétoir. Bibabaloula, bibabaloula. Dactylo Rock en 1961, et c'est l'époque des premiers changements au sein de la formation. Pierre Chiche Portiche, le batteur, est alors remplacé par Gilbert Bastelica, qu'on rebaptisera Jean-Pierre pour ne pas heurter les fans. Quant au saxophoniste Michel Picard, surnommé Mick, il effectue lui son entrée dans le groupe. Et après un premier 25 cm, on dirait maintenant un IP, baptisé 100% rock, le second Rock and Twist séduira également les fans, en particulier le Twist. Et un an plus tard, en 1962, ce sera la sortie du sulfureux Peppermint Twist. Mais voici pour l'heure le Twist des chaussettes noires. Viens un peu, viens danser le twist. Viens un peu, viens danser le twist. Tourne ton étape du pied, ma robe recouvre. Prends ma main jusqu'au petit matin. Prends ma main jusqu'au petit matin. Tourne ton état du pied, ma robe que vous faites. Et ton père n'aime pas le twist. Non, non, non, ta mère en est toute triste. Tourne ton état du pied, ma robe que vous faites. J'entends le twist. Sans un picard, j'entends le twist. Toujours le ton est à piquer. Mara, oui, je peux vous faire. Oh, viens un peu vous faire. Viens lancer le twist. Viens un peu vous faire. Viens lancer le twist. Mara, je peux vous faire. We'll be right back. just be coming to his papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, nous dansons le twist, puis comme une twist. Avec les copains, on me danse. Vas-y, Dani, c'est parti. Tournez, c'est gagné, vous l'avez. Rien ne résiste, oh, puis comme une twist. Ça va chauffer, ça va chauffer. Tout ça ne fait que commencer. Si vous aimez, triste journée, oh, oh, mais ça, comme il se doit. Allons les gars, oh, mais ça, triste à cœur joie. Peppermint Twist, c'était la première partie puisque ce titre sera aussi décliné dans une deuxième partie. Et durant son service militaire, oui, à l'époque on faisait encore son service militaire et c'était une longue période, hein, puisque le service militaire qui a mobilisé durant 18 mois Eddie Mitchell, celui-ci profite de ses permissions pour enregistrer un premier titre en solo. Ce sera les premières fêlures au sein du groupe. Ce titre, c'est Petite Sœur d'amour, qui clôture pour aujourd'hui la première partie de l'épopée des Chaussettes Noires que nous poursuivrons bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, écoutons quand même cette Petite Sœur d'amour. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Ouais, l'amour a débuté, voici bien deux années. Nous étions deux gamins, tu étais mon seul bien, mais tu n'en savais rien. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi, je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? étranger a pris la vie. J'ai voulu t'épouser, mais tu m'as rionné, car tu avais changé. Petite sœur d'amour, petite sœur d'amour, pour toi je suis simplement un copain à qui l'on tend la main. Petite sœur d'amour, pourras-tu m'aimer un jour? Petite sœur d'amour clôturait la première partie de l'histoire du parcours de ce groupe mythique du rock'n'roll français, Les Chaussettes Noires. Si vous voulez découvrir la suite, bien entendu, ce sera pour la semaine prochaine. Rendez-vous donc sur RQC le lundi entre 9h et 11h30 pour découvrir la suite de ce parcours musical. Et pour suivre, à 11h17, il est plus que temps d'entamer notre nouvelle rubrique, la rubrique consacrée à l'album Beautiful Freak du groupe Hells en 1996. C'est un album qui est sorti en octobre 1996 et il reste à ce jour le plus gros succès du groupe Hells de l'auteur, compositeur, interprète Marc-Olivier Everett, un artiste hors du commun. En 1995, celui-ci, alors âgé de 32 ans, fait la connaissance du batteur Jonathan Butch Norton et du bassiste Tony Walter. Et ensemble, ils formeront ce groupe, Hells, ce qui signifie « aiguille ». Ils parviendront à s'attirer les faveurs de DreamWorks, la célèbre société DreamWorks, bien connue maintenant, mais qui à l'époque était une toute jeune société de production de Steven Spielberg. Et Beautiful Freak sera le premier album à être publié sur leur label. Il a pour thème « La différence ». Parle d'inadapté et de désaxé, un monde dont Marc estime faire partie lui-même. Et la pochette colle tout à fait au sujet. Pour ceux qui connaissent l'album, il a imaginé d'y faire apparaître une petite fille aux grands yeux, totalement disproportionnée par rapport au reste du visage. Et côté compo, Marc se fera épauler pour la moitié, des 12 morceaux, avec le multi-instrumentiste Jim Jacobsen. Il écrira notamment le touchant Flower. Flower. l'album du jour. Flower, nous avions Susan's House ici à l'instant, titre dans lequel il décrit ce qu'il voit sur le chemin qu'il prend pour rejoindre la maison de son amie Suzanne à Pasadena. Et ce qu'il voit, c'est une vieille folle qui casse des bouteilles sur le trottoir, un garçon de 15 ans à terre, une balle dans la tête, un couple de vieux qui se disputent dans un café, un jeune dealer. Et pour l'intro, le duo a emprunté les premières mesures d'un titre que vous avez peut-être reconnu. Hein. Il s'agit de Love Finds Its Own Way, un morceau de Gladys Knight and the Pips qui était sorti en 1974. On poursuit avec deux autres titres. Il s'agit de Your Lucky Day in Hell et Novocaine for the Soul. Marc co-signe aussi avec Mark Goldberg, un excellent guitariste, ce titre Your Lucky Day in Hell, ainsi que les paroles douces amères de ce Novocaine for the Soul qui sera la clé du succès de l'album. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die. Titre en vérité, et même si l'inspiration majeure des textes de Marc vient de d'un parcours personnel jalonné d'événements dramatiques et tristes, il a eu un père physicien absent et mort jeune, une sœur qui s'est suicidée, une mère qui est disparue trop tôt d'un cancer du sein. Eh bien, malgré tout cela, dans les textes, il y a comme une lueur d'optimisme. Malheureusement, le groupe Els, dans sa version originale, ne vivra que le temps de cet album et d'une tournée américano-européenne. Et depuis Beautiful Freak, Mark Everett a réussi une surprenante carrière internationale. Et plusieurs des chansons d'Els figurent sur les bandes originales de films, dont les trois premières aventures de Shrek. Et le premier titre à être inclus dans ce film d'animation sera My Beloved Monster. Ainsi, la boucle est bouclée. My beloved monster and me, we go everywhere together, wearing a raincoat that has four sleeves, gets us through all kinds of weather. She will destroy you. ce My Beloved Monster. C'est pas encore totalement terminé. Je disais donc ce My Beloved Monster qui se termine drôlement. Je vous avais dit que c'était un album un peu spécial. Clôture notre émission du jour. Comme d'habitude, on a sensiblement empiété sur l'horaire puisqu'il est tout simplement midi moins 20. À l'horloge d'RQC, donc l'heure est venue pour moi de vous souhaiter une excellente semaine. J'espère que vous avez passé un excellent moment. On a voyagé un peu dans tous les genres musicaux, toutes les époques, un peu de punk, un peu de hard rock, un peu de musique électronique, de rock and roll, et ici un peu de musique alternative, indépendante, avec ce superbe Beautiful Freak de Else. Mais on ne va pas se quitter ainsi, ce n'est pas, c'est pas véritablement dans les habitudes de la maison, hein. Je veux encore, avant de vous quitter, vous offrir un dernier titre. J'avais programmé un titre du groupe de hard rock américain, le groupe Journey. Un titre de 2008 qui figure sur l'album Revelation, il s'agit de Only the Young. Alors Only the Young de Journey est un titre qui a assurément connu un destin et un parcours assez atypique, jugé plutôt. Initialement, il devait figurer sur l'album de 1983 Frontiers. Mais à la dernière minute, il a été retiré quelques jours après, seulement après avoir été enregistré. Et c'est finalement en single qu'il sortira en 1985 pour se hisser quand même à la 9e place du Billboard Hot 100. Et il figurera la même année sur la bande originale du film Vision Quest, le film américain du réalisateur Harold Baker. Plus tard, on le retrouvera toujours en bonus sur une réédition de l'album Frontiers. C'était en 2006. Mais aussi, et ce n'est pas tout, sur le deuxième CD du double album de 2008, Revelation, composé de reprises d'anciens titres. Et c'est l'album dans lequel se révélera d'ailleurs Arnel Pineda, le chanteur philippin, qui a remplacé avec un certain bonheur l'inoubliable Steve Perry, qui avait malheureusement dû céder sa place à la suite de gros problèmes de santé. C'est cette version que je vous propose maintenant. La légende raconte que c'est Neil Sean qui a découvert cet Arnel Pineda sur YouTube, alors qu'il reprenait les titres de Journey. Ce qui est assez fabuleux, c'est que ce chanteur a la même voix cristalline que Steve Perry. C'est une chanson lyrique positive, c'est très bien pour démarrer la semaine, et qui traite des jeunes, de l'espoir qu'ils représentent pour le monde et l'avenir qu'ils ont tous devant eux. Sur ce, je vous dis bye bye. Ahead of their time. Living in the Past. Le meilleur du classique. See the